C'est quoi, c'est un gambier à Bélo, lui? Tu respectes pas? Hein? Toi, l'Algérino, le mec au million de tubes? Ah, excuse-moi, au milliard de tubes! J'explique. Taxi, c'est Marseille, gros. Te casse pas la tête, Bellomi. Ça va, les gars? Bon, on va pas passer par 4 chemins, les égales. Pareil que vous faites taxi 5? Ouais. Y a pas de taxi 5 si je fais pas la BO. DJ Corp, pas DJ Corp. J'ai compris? Oui, j'ai compris, mais on fait pas de rock'n'roll, Elvis, excuse-nous. C'est, hein, c'est mais... pas avoir ta coupe, Elvis, mais c'est pas bon, bref. La banane, c'est autour de la taille, hein, normalement. Bon, t'as quelque chose à nous proposer? Bengus, clavier, s'il te plaît. Putain, qu'est-ce qu'il rate? Oh, ça fait toi, Mino. Excuse-moi, Bellomi. Allez, joue-moi 2-3 notes de qualité, s'il te plaît. Voilà. Pas mal. Pas mal. Pas mal, hein? Bien ça. C'est qui les méchants dans Taxi 5? C'est les Italiens. 2-3 mots en italien, s'il te plaît. Mozzarella, panna cotta, va bene, ma bella. Quoi? Tutti. Avant, t'as dit quoi? Del Piero? Non. Va bene, ma bella? Ouais. Va bene, ma bella! Pas mal, ça. Ah ouais? Tu connais le truc? Vas-y, vas-y, fais-le. Moi, je parle pas italien. La la la la. C'est pas mieux. Va bene, ma bella. La la la la. Voilà. Je trouve ça bien, moi, mais... Il manque un truc. Si tu veux que ça cartonne vraiment, il manque un petit truc. Un peu d'autotune dans ta gorge. Vas-y, refais. Va bene, ma bella. La la la la. Voilà. Là, c'est bon. Là, oui. Là, on tient le truc. Là, on est des bons. Là, c'est bon. Là, on est des chauds. Alerte générale. Taxi 5. De l'Algérie, Didier Corp. J'ai grandi dans le plan, j'ai connu la crise. M'appelle pas le sang, non, ne me fais pas la bise. Marseille, quartier nord, c'est devenu Cali. Pain dans les poches, m'attarder devant la vie. Tu veux la marier, marier, mais faut les billets. Cagoule et ganté, je vais tous les faire chanter. La la la, oui je vis. T'es fait en double fil, je fais bugger le taxi. Ah oui, ah oui. Va venir ma belle là. Tu as Marseille dans ma favela. La, la, va venir ma belle là. Je la fais danser la macarena. Elle fait la difficile, tu loin d'être fragile. J'suis calé dans le club, mon pote, j'me finis. Et vas-y, lâche une blonde, dans sa wagon famille. Awen, awen. Pour ce qui en hélico. Marseille, c'est cramé, c'est chaud. Y'a des gondés dans l'allée. Les petits chez moi les font cavaler. Lamborghini Gallardo. J'vois une petite Mantaro. Ah, tu m'as vu à la télé. Gianni Versace, tu me reconnais, ma chérie, j'suis dans mon bolide. T'es chargé, t'inquiète, c'est du solide. Y'a du bon, du mauvais, Marseille c'est la folie. Ah ouais, ah ouais. Va venir ma belle là. Tu as Marseille dans ma favela. La, la, la, la. Va venir ma belle là. Je la fais danser la macarena. Elle est pleine de manie. Elle fait la difficile, j'suis loin d'être fragile. J'suis calé dans le club, mon pote, j'me finis. Et vas-y, lâche une blonde, that's a way go funny. Ah ouais, ah ouais. J'suis posé seul en terrasse. Le pouce, il lève le thémax. J'crois que j'ai fini en serrage. Tu rends fou le compte de ta rage. HLM au bord de la mer. J'suis en buvette, Jack.